86, j'étais encore bien né. Me faire louer sur son traîneau, déposer tous mes galops. 87, ville tromperie, j'apprends qu'on m'a inventé. J'étends quelques secondes de tout un monde, c'est faux.